Chapitre 5e, une rafle au Silver Lion. Sophia Kensky était une loyale et fidèle adhérente à la cause, et son rapport écrit en mystérieux caractère russe intéressa grandement le maître d'hôtel du duc Yaroslav. Il apprit ainsi la visite faite par la grande duchesse Irène à Israël Kensky, en présence d'un jeune anglais inconnu qui l'accompagna jusqu'à sa voiture. Un peu plus tard, Bulba découvrit que cet étranger avait été chargé par le juif d'une mission spéciale, mission facile en réalité, qui consistait à trouver l'adresse du Silver Lion, ce pourquoi Malcolm Hay n'eut qu'à ouvrir un annuaire des téléphones. Malcolm s'empressa de se rendre à son restaurant et y déjeuna, sans lui trouver rien d'anormal. La clientèle se composait manifestement d'étrangers, surtout de Russes. Au moment de sortir, feignant de se tromper de chemin, il alla rôder du côté de la porte de service et découvrit deux choses importantes. La cuisine était de plein pied avec la salle à manger et un monte-plat, communiquant avec le sous-sol, ravitaillé évidemment d'invisibles convives. Ayant fait cette constatation rapide, il se retira en s'excusant. Comme il n'y avait pas de trace d'escalier dans la salle, Mr. Hay poursuivit ses investigations à l'extérieur. Certains détails d'architecture lui révélèrent l'existence d'un sous-sol, et sa reconnaissance des lieux l'amena très vite à la petite porte que Sophia Kensky, dans un sommeil hypnotique, avait décrite à son père. Il fit le guet et au bout de quelques instants vit sortir successivement plusieurs groupes d'hommes. Le local souterrain pouvait, il est vrai, servir de siège à un club inoffensif, et pour s'en assurer, le jeune homme poussa son enquête jusqu'au poste de police de Marlborough Street. Là, il apprit que le club était en effet enregistré sous le nom de Club des Amis de la Liberté. « Avez-vous quelque plainte à formuler à son sujet ?» lui demanda le fonctionnaire. « Absolument aucune, » répondit-il, et prenant le premier prétexte venu pour expliquer sa démarche. « Je suis en train d'écrire un article sur les clubs étrangers à Londres et désirais connaître le nom de celui-là. » Il rentra à l'hôtel pour s'occuper de ses préparatifs de voyage, regrettant de ne pouvoir remettre son départ pour le faire coïncider avec celui de la grande duchesse. Mais sa place était déjà retenue et il devait s'arrêter à Vienne en cours de route. Avant la fin de la journée, Malcolm retourna cependant chez Kensky afin de lui rendre compte du résultat de ses recherches. Sa fille, qu'il voyait pour la première fois, lui parut d'une beauté un peu lourde. Elle le dévisagea avec indifférence. « Le Spodar part pour Kiev, Sophia, » d'Israël en présentant son visiteur. « Qu'est-ce qu'il y fera ?» demanda insolemment la jeune femme. « Je ne résiderai pas à Kiev même, » dit Malcolm en souriant. « Les puits de pétrole dont je vais prendre la direction sont situés à 20 verstes de la ville. C'est bien pénible d'habiter la campagne. » Après l'échange de quelques banalités, Sophia fut sans cérémonie renvoyée par son père. Le juif écouta avec un vif intérêt le récit de Malcolm. Il étendit devant lui un plan de Londres, marqua d'une croix rouge l'emplacement du Silver Lion, puis il resta pensif, caressant sa longue barbe. « Ils ont encore 2 jours à passer à Londres, » murmura-t-il comme se parlant lui-même, « et ce sont les journées les plus dangereuses. » Et levant les yeux vers le jeune homme, « Vous qui êtes intelligent et qui habitez Londres, aidez-moi à sauver une jeune existence de la misère et de la douleur. » « Qui voulez-vous sauver ?»« La grande duchesse, » répondit tristement Kensky. « C'est pour elle que je tremble, plus encore que pour son père. » Malcolm fut sur le point de crier qu'il ferait tout au monde pour épargner une larme à cette merveilleuse créature. Il ne murmura prudemment que quelques banales protestations de bonne volonté. « C'est dans ce club qu'est le danger, Master Hay, » reprit Israël. « Je connais ces sociétés et je les redoute d'autant plus qu'elles paraissent plus innocentes. » « Vous ne faites pas intervenir la police ?» hasarda le jeune anglais. « Non, non, » répondit le juif, « ce n'est pas l'affaire de la police, mais de ceux qui aiment la grande duchesse. » Malcolm crut avoir trahi le secret de son cœur et, très gêné, car à cet âge, l'amour ne redoute rien tant que le ridicule, il se hâta de dire « Que puis-je faire ?»« Vous pourriez surveiller la maison où siège le club et vous tenir à proximité. Je l'aurais fait moi-même si je n'étais pas si vieux. » « Eh bien, comptez sur moi. Notez qui entre et qui sort, que votre vigilance ne se ralentisse pas. Tenez-vous toujours prêt à porter secours si on vous appelle. Vous verrez ma fille là-bas, » reprit le vieillard après une pause, et un faible sourire entr'ouvrit ses lèvres pâles. Oui, Sofia Kensky est une conspiratrice. Qui verrai-je encore ? Demanda brusquement Malcolm. Kensky se leva, alla ouvrir une valise de cuir qui était posée sur le buffet et tira d'une liasse de papier une photo qu'il tendit au jeune homme. « Quoi ? » s'écria celui-ci avec surprise. « C'est Serganov, le jeune prince ?» Kensky inclina lentement la tête. « Je voudrais bien savoir s'il se rendra au club pendant ces 2 jours. Ceci est très important. »« Alors, il n'y a que lui à reconnaître ?» Israël hésita. « J'espère que oui. » Malcolm Hayne retourna chez lui plein de résolution et d'enthousiasme. En quelques heures, il s'était écoulé tant d'événements imprévus. Lui, jeune étudiant modeste, se trouvait soudain plongé au cœur d'un complot anarchiste et autorisé à saluer une altesse royale. Il avait assez de bon sens pour se rendre compte qu'on ne s'amourage des ravissantes princesses que dans les contes de fées, mais ce raisonnement lui laissa une impression désagréable. Le même soir, sa faction derrière le Silver Lion fut aussi monotone que possible. Les habitués du club avaient dû arriver plus tôt que de coutume, car Malcolm ne vit entrer personne. Il tombait une pluie fine qui le pénétrait de toutes parts. Un coup de vent le glaça jusqu'aux moelles. Mouillé et transi, il continua cependant sa faction, cachée dans l'ombre et scrutant soigneusement les alentours de la petite porte. Cette station prolongée attire l'attention d'un agent de police qui passa et repassa devant lui et finalement s'arrêta pour lui demander s'il attendait quelqu'un. Quand minuit sonna à l'église voisine, la petite porte s'ouvrit doucement et plusieurs hommes en sortirent. Malcolm marcha dans leur direction de façon à les croiser d'assez près. Ils étaient une vingtaine et parlaient russe, mais leur conversation n'avait rien que d'innocent. Les ayant dépassés, il s'arrêta, entendit qu'on verrouillait la porte en mettant des chaînes à l'intérieur et rentra à l'hôtel déplorant sa soirée perdue. L'après-midi suivant, Mr. Hay était en train de terminer ses bagages et ajoutant quelques objets achetés à Londres, parmi lesquels se trouvait un charmant petit revolver Colt. Au moment de l'emballer, il hésita, le balançant dans sa main et se demandant s'il ne serait pas préférable de le garder à disposition jusqu'à la fin de la journée. Finalement, il glissa l'arme dans la poche de son pantalon tout en se traitant de poltron et de romanesque. Ce deuxième soir, en partant pour le Silver Lion, Malcolm se sentait un peu ridicule. Il décida de monter la garde sur le trottoir même de la petite porte et sa persévérance, cette fois, ne fut pas vaine. Une demi-heure ne s'était pas écoulée que 2 hommes débouchèrent dans la rue. Ils marchaient rapidement venant dans sa direction et le frôlèrent de si près qu'il n'eut aucune peine à identifier le plus petit des 2. Son accent aurait du reste suffi à le trahir. « Moi, disait-il, je ne suis pas un type à crever de faim au milieu d'un magasin de vivres. » Malcolm, stupéfait, reconnut le bavard de Charing Cross. D'autres individus suivirent cela et franchirent également la mystérieuse petite porte. Puis ce fut un homme à la démarche élégante et d'allure militaire, emmitouflé jusqu'au menton. Au moment où il passait auprès de lui, Malcolm rencontra le regard de ses yeux noirs perçants dans une face olivâtre. C'était le colonel Prince Serganov. Enfin, quelques minutes plus tard, une jeune fille s'approcha d'un pas si léger que Malcolm n'eut que le temps de se détourner au moment où elle entrait dans la maison. La grande duchesse, Serganov, l'aventurier américain. Qu'avaient de commun ces 3 personnages ? L'avertissement de Kensky lui revenant soudain à l'esprit, il s'élança vers la sonnette, mais une seconde réflexion lui fit comprendre la folie de son geste. Il n'y avait qu'une chose à faire, attendre. Au bout d'une 10 minutes, le jeune homme s'aperçut que la rue, déserte jusqu'alors, s'animait de façon anormale. À chacune de ses extrémités, 12 hommes venaient d'apparaître et s'avançaient silencieusement, comme s'ils voulaient embarrer le passage. Dans un éclair, il reconnut les préparatifs d'une descente de police. Au cours de sa vie d'étudiant, il avait assisté à une opération de ce genre dans une maison de jeu. Sa première pensée fut pour Irène Yaroslav et d'un bond, il atteignit la porte. Trop tard. Quelqu'un l'y avait précédé et une main robuste le repoussa violemment. « Emparez-vous de cet homme, sergent !» dit une voix autoritaire. Il se sentit empoigné par l'épaule et dévisagea avec insistance. « Tiens, c'est un Anglais. »« Oui, oui !» s'empressa de dire Malcolm. « Excusez-moi d'intervenir, mais il y a dans cette maison une dame qui ne doit pas être suspectée. Vous allez faire une rafle, n'est-ce pas ? ça m'en a tout l'air, répondit jovialement l'agent civil. Et d'un ton soupçonneux, il ajouta, « Qui êtes-vous d'abord ?» Mais Sahel déclina ses noms et qualités. « Eh bien, si la dame que vous connaissez est mêlée à cette affaire, vous n'avez qu'à rester dans les environs. Elle aura peut-être besoin de vous pour témoigner en sa faveur. »